It's hot. It burns. Ryan a nationalisé Fontaine Futuristics. Maintenant, tout lui appartient. Il dit que c'est pour le bien de la ville, qu'il liquidera la société en temps voulu. J'ai démissionné du conseil et envoyé une lettre de protestation, mais c'est comme si je pissais dans un violon. Je pense qu'une guerre va éclater, sauf si quelqu'un s'occupe vite de Ryan. Je suis très étonné que Fontaine n'ait pas été incommodé par sa propre chute. Le soir du Nouvel An, ces misérables crozos m'ont envahi les maisons et pris d'assaut les fameuses barricades. Les morts pourrissent dans les rues, et tous les citoyens font la queue pour avoir des plasmides. Tout est bon pour repousser la foule. J'ai supplié Monsieur Ryan d'offrir Fontaine Futuristics aux hommes d'Atlas comme cadeau de paix, mais ce crétin n'a pas voulu entendre raison. Au lieu de ça, il injecte des plasmides de plus en plus puissants à ses acolytes. Il y a une course à l'armement ici, à Rapture. Mais il ne s'agit pas de savoir qui construira le plus gros canon ou la plus grosse bombe. C'est à qui passera le plus vite de l'état d'être humain à celui de monstre. Je n'ai jamais tué personne, et encore moins un camarade. Mais les choses sont ainsi. J'ignore si en tuant Monsieur Ryan, je mettrai fin à cette guerre, mais je sais qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'il vivra. J'aime beaucoup Monsieur Ryan, mais j'aime encore plus Rapture. Si je dois en tuer un pour sauver l'autre, tant pis. J'ai trouvé ce qui bloquait les canalisations, et tu devineras jamais d'où ça venait. Du marché champêtre, à l'autre bout de Rapture. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Ouh, quel merdier. En tout cas, si t'as besoin de revenir ici pour la maintenance, le code est 0512. Moi ? Une meurtrière ? C'est drôle. Je crois que j'aurais pu m'en sortir. Oublier avec les plasmides. Je croyais à cet endroit. J'avais foi en Ryan. Mais quand les choses se sont gâtées, Ryan a cessé de croire en Rapture, à cette grande chaîne dont il parlait. Il a cru au pouvoir. Maintenant, c'est le chaos. Ma fille est partie. Pire encore, c'est une de ces choses. Suis-je vraiment une meurtrière? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. J'ai dû me taper ce singe immonde pendant 3 semaines. Mais il a enfin parlé, et je sais comment arriver à Andrew Ryan. Il faut provoquer une surcharge sympathique dans le noyau harmonique numéro 3. C'est simple. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est une surcharge sympathique, et encore moins ce noyau harmonique numéro 3. Ça doit être facile pour un ingénieur. Moi, je dessine des chaussures pour femmes. Dommage. Il faut que je retourne voir les mécanos au centre de contrôle de perte thermique pour voir ce que je peux en tirer. J'ai pas reconnu la cinglée qui est venue à la boutique aujourd'hui. Elle avait une sacrée paire de Robert, et drôlement bien sapée. Elle cachait bien son jeu, mais il n'y avait pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour s'apercevoir qu'elle avait pris des trucs costauds. Elle m'a posé des questions sur les serrures magnétiques et ce genre de trucs. J'ai fait comme si de rien n'était, mais elle a fini par m'affranchir. Quand elle m'a tout déballé, je lui ai dit d'aller voir Kibourtz aux ateliers. Ah, Rapture est devenue un enfer, mais la grande chaîne a parfois du bon. Je vais vous dire une chose au sujet de Kibourtz, c'est des types qui font des longues études. Ils ont tous l'air si intelligents, sauf que des fois, ils ne le sont pas. Je l'ai fait un peu picoler la semaine dernière. Et au bout de 2 minutes, il commence à me dire que le code de son bureau, c'est la date de l'Australia Day. Maintenant, toutes les semaines, j'y vais discrètement et je pique quelques billets dans la caisse. Il a jamais rien remarqué et c'est pas moi qui vais lui dire. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres là-bas. Peut-être qu'un jour, j'irai plus loin. J'ai trouvé ce qui bloquait les canalisations, et tu devineras jamais d'où ça venait. Du marché champêtre, à l'autre bout de Rapture. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Ouh, quel merdier. En tout cas, si t'as besoin de revenir ici pour la maintenance, le code est 0512. Vous savez qu'on est en guerre, les gars. Si vous assurez pas correctement la maintenance des protecteurs, ils consomment autant de R34 que les entraîneuses du Jardin d'Ève consomment de pénicilline. J'ai les gorilles d'Atlas sur le dos sans arrêt, et 2 mécanos sont morts cette semaine. Il faut qu'on arrive à contrôler les coups. Si je voulais avoir affaire à des amateurs, je serais resté à terre. chromosomes de Ryan sont en train d'emmener la jeune femme. Je suis sûr que c'est une espionne envoyée par Ryan pour me surveiller. Enfin, c'est ce que je crois. Si je me trompe, une innocente finira en trophée sur les murs de Ryan. Si j'ai raison, il faut que j'ai raison. L'appareil est presque terminé. Je ne peux pas me laisser aller maintenant. Je ne dois pas. Le boîtier est prêt. J'ai une charge de nitroglycérine dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut 4 embouts de câble R34 pour neutraliser le circuit. Et une demi-boîte de précipité ionique. C'est ce qui fait détonner le mélange. Ça devra activer le mode compensation du noyau, faire baisser la puissance sur la ligne et déclencher le coupe-circuit de la porte de Ryan. Enfin, en théorie. Soit ça marchera comme sur des roulettes, soit la moitié de rapture y passera. Qui ne risque rien. Quel rêve insensé. Il y avait une sorte d'arbre fruitier qui tournait comme une poupille en versant du jus dans la gorge de Ryan. Et le jus étouffait cette ordure. Ce n'était pas vraiment un arbre, mais le noyau de contrôle. La machine qui alimente les serrures magnétiques de la porte de Ryan. On ne peut pas couper le courant. Il vient directement des cheminées volcaniques. Ryan a toujours du jus. Mais j'imagine qu'on pourrait noyer cette ordure dedans. J'ai passé l'après-midi à essayer de me rapprocher de la porte de Ryan sans me donner en spectacle. Mais il est sacrément bien protégé. C'est impossible d'entrer là-dedans. Tout ce que j'ai obtenu, c'est le regard effrayant des chromosomes de Ryan. C'est la récompense qui vous attend si vous essayez d'être plus malin que le meilleur ingénieur électricien de sa génération. Quelle est la différence entre l'homme et le parasite ? L'homme bâtit, le parasite demande « Où est ma part ?» L'homme crée, le parasite s'interroge « Que vont penser les voisins ?» L'homme invente, le parasite déclare « Attention, vous risquez de marcher sur les pieds de Dieu. » Y a-t-il du sang dans les rues ? Bien sûr. Certains ont-ils choisi de se détruire avec des injections irréfléchies ? C'est indéniable. Mais je ne ferai aucune déclaration, je ne dicterai aucune loi. La grande chaîne se déroule lentement, mais avec sagesse. C'est notre impatience qui attire le parasite d'un état puissant. Et une fois qu'il a été attiré, il se nourrit sur le dos de la ville. Bâtir une ville au fond de l'océan, folie ! Mais où pouvions-nous être enfin libres de l'emprise crochue des parasites ? Où pouvions-nous construire une économie qu'ils ne tenteraient pas de contrôler ? Une société qu'ils ne chercheraient pas à détruire ? Ce n'est pas de bâtir Rapture au fond de l'océan qui était impossible. C'était de la bâtir ailleurs. Ah. Déploiement avancé, le 111, Docteur Souchon, client Fontaine Futuristics. Le bébé a maintenant un an, il pèse 26 kilos. Sa musculature est celle d'un enfant de 19 ans en bonne santé. Les résultats sont décevants, mais ne dépassent pas les seuils de tolérance. Clinical trial, mental control plasmid, lot 255. Dr. Su Chong, client Fontaine Futuristics. Put your hand in the flame, boy. Put your hand in the flame, boy. Put your hand in the flame, would you kindly? Déploiement initial de la Vita Chambre, client Ryan Industries. La phase 1 est terminée. Sinclair et Alexandre ont essayé de m'expliquer les détails scientifiques, mais Souchong ne les croit pas. Il parle sans arrêt de reconstruction plasmide, d'enchevêtrement quantique, tout ça. Et soudain, pouf, les morts reviennent à la vie, fadaise. Bien sûr, Ryan ne l'autorise que si les tests sont calibrés sur ses fréquences génétiques. It'll take her a bit to get here. In the meantime, we have to talk. Bon sang, vous en faites un de ces boucans. Si vous avez surchargé le noyau, il ne reste plus qu'une chose à faire. Retournez à la porte de Ryan et actionnez le coupe-circuit. Vous pourrez entrer chez lui. Prenez garde à vous. Ryan est agité. Occupons-nous de nos affaires. Il est temps de gagner la mise ou de repartir les mains vides. Ryan a la clé génétique de Rapture. Si nous pouvons nous en emparer, à nous la belle vie. Sinon, notre histoire se termine ici. Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan. Et descendez cette ordure, je vous prie. Il est temps d'en finir. Sont-ils tous morts? Je l'espère. Il vaut mieux vous hâter vers le noyau. Quoi? Ce malade a déclenché l'autodestruction du noyau? Cette fois, c'est du sérieux. Rien à voir avec ce que vous avez fait. Il a l'intention de détruire toute la ville. Entrez là-dedans et neutralisez-le avant que cet endroit ne finisse en mille morceaux. Je pense que vous venez d'ouvrir la voie qui vous mènera à Ryan. Retournez chez lui maintenant. Mais vous avez intérêt à être bien équipé. C'est une vraie bombe au moins. Il faudrait mieux. Vous devez le placer sur le noyau après le contrôle géothermique. Et nous verrons si ces gros malins savaient de quoi ils parlaient. On dirait que l'océan a envie de reprendre ce quartier de Rapture. C'est arrivé au tout début de la guerre. Je l'ai lu dans les journaux. Allez-y, je vais voir ce que je peux trouver pour vous aider. Je ne suis pas ingénieur, mais si j'en crois ces plans, vous pouvez canaliser le flot de magma avec la vanne de dérivation. Il fera bouillir l'eau rapidement, et vous pourrez accéder au noyau. Mais Ryan va certainement s'en apercevoir. Il serait bon d'établir un périmètre de sécurité, au cas où. Faites vite! Prenez la clé génétique de Ryan! À présent, introduisez-la dans cette machine, je vous prie! Bien joué, l'ami. Il est temps de mettre fin à cette mascarade! Atlas n'existe pas! Il n'a jamais existé! Dans mon travail, on change souvent d'identité. J'ai même fait semblant d'être chinois pendant 6 mois, c'est vous dire. Mais vous avez joué franc jeu. Aussi, je crois qu'il est temps d'être sincère. Je m'appelle Frank Fontaine. Fouillez le cadavre de cette pourriture, je vous prie. J'ai côtoyé beaucoup d'associés dans les affaires. Mais vous... Bien sûr... Le fait que vous soyez génétiquement modifié pour obéir comme un petit chien dès que je dis « je vous prie » doit y être pour quelque chose. Mais tout de même... Bien. Dès que cette machine en aura fini avec la clé génétique de Ryan, Rapture sera entièrement à moi. Vous avez été très bien. Mais vous savez ce qu'on dit... Il ne faut jamais mélanger le travail et l'amitié. Merci pour tout. Et n'oubliez pas de saluer Ryan de ma part. Maintenant, vous allez mettre la clé génétique que vous avez prise à Ryan dans cette machine là-bas. Quand ce sera fait, Rapture sera entièrement à moi. Voulez-vous introduire la clé, je vous prie? Vous avez été très bien, mais vous savez ce qu'on dit. Il ne faut jamais mélanger le travail et l'amitié. Merci pour tout, et n'oubliez pas de saluer Ryan de ma part. Rapture revient à la vie. N'entendez-vous pas l'air remplir à nouveau ses poumons? Ces boutiques qui ouvrent? Les écoles résonnant des pensées de nos jeunes esprits? Ma ville vivra! Elle prospérera! Et quand ce jour viendra, je pendrai votre pierre tombale pour paver ces rues. Vous le sentez, n'est-ce pas, Andrew Ryan? Le ver de terre relève la tête et voit le visage de Dieu. Regardez autour de vous. C'est un vrai congrès de vers de terre ici. Ils avaient tous des parents, des proches qui les aimaient. Ils étaient mariés. Ils baisaient leurs épouses. Pourquoi pensez-vous que vous êtes différent? Je n'ai pas encore décidé où je vous accrocherai. Dites-moi si vous avez une préférence. Même dans un tissu de mensonges, on trouve parfois la vérité. Il y a une saison pour toutes choses. Maintenant que je vous vois chair contre chair, sang contre sang, je sais que je ne peux lever la main sur vous. Mais sachez ceci, vous êtes ma plus grande déception. Votre maître m'entend? Atlas! Vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez jamais ma ville! Ma force ne réside pas dans l'acier et le feu. C'est ce que vous autres, les parasites, ne comprendrez jamais. Une saison pour toute chose. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour bâtir, un temps pour détruire. Venez, mon enfant, nous devons parler d'une dernière chose. Cohen a perdu la main. Si vous l'aviez connu quand il croyait encore à la lutte, au travail, il moisit aujourd'hui dans ce pays de cocagne en attendant que quelqu'un vienne lui dire qu'il a encore du talent. Je suppose que c'est pour cela qu'il vous a laissé la vie sauve. Est-il rien que vous ne donneriez pour pouvoir respirer encore une fois, parasite, votre dignité, votre honneur, votre propre identité? Vous êtes venu piller ma ville, mais je vous ai étudié en votre absence. Je me suis demandé si je pouvais vous prendre quelque chose. Désormais, je sais exactement quoi. Oh, allez-y, c'est certain de réussir cette fois. Quand je pense à tous les efforts qui ont été consentis pour vous créer, ils n'en ont vraiment pas eu pour leur argent. Ces créatures parviendront-elles à vous tuer? Moi-même, je l'ignore. Vous me poussez vers le gouffre, mais vous êtes entraîné avec moi. Je vous offre une mort rapide, parasite. Ce serait préférable à ce que vous apprendrez si vous gagnez. Tant de parasites ont essayé de profiter de ce qui n'était pas à eux. Je pourrais vous expliquer la science qui rend impossible ce que vous essayez de faire, mais ce serait comme de jouer du Mozart à un crapaud. Y a-t-il du sang dans les rues? Bien sûr. Certains ont-ils choisi de se détruire avec des injections irréfléchies? C'est indéniable. Mais je ne ferai aucune déclaration, je ne dicterai aucune loi. La grande chaîne se déroule lentement, mais avec sagesse. Et c'est notre impatience qui attire le parasite d'un état puissant. Et une fois qu'il a été attiré, il se nourrit sur le dos de la ville. Imaginez la volonté qu'il m'a fallu pour bâtir un tel endroit. Et vous, qu'avez-vous bâti? Rien. Vous ne savez que piller et briser. Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes comme un termite à Versailles. Rapture renaîtra avant que le dernier rat ait fini de grignoter votre dernier lambeau de chair. J'ouvrirai le défilé. Qui était-ce? Diront-ils en montrant du doigt la misérable forme accrochée à mon mur. Qui était-ce? Vous êtes si loin de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez aimé. Pourtant, vous aimez cet endroit sans savoir pourquoi. Vous ressentez une émotion sans pouvoir mettre le doigt dessus. Réfléchissez un instant. Le mot vous viendra peut-être à l'esprit. Nostalgie. Un homme bâtit une ville au fond de l'océan. C'est une merveille. Un autre homme s'écrase à bord d'un avion juste au-dessus de cette ville au beau milieu de l'océan. Là, il s'agirait davantage d'un miracle. Au bout du compte, la seule chose qui m'importe, c'est moi. Et tout ce qui vous importe, c'est vous. C'est dans la nature des choses. Que vous a proposé Atlas? Une parcelle de ma ville saccagée? N'oubliez pas ce que je vais vous dire. Votre seule récompense sera un couteau planté dans le dos. Mes défenses physiques faiblissent, mais vous ne me vaincrez pas. Ma force ne réside pas dans l'acier et le feu, mais dans l'intelligence et la volonté. Vous entendez, Atlas? Andrew Ryan ne vous offre rien d'autre que des cendres! L'assassin a déjoué mes dernières défenses, et il vient me chercher. En fin de compte, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave? L'argent? Le pouvoir? Non, l'homme choisit alors que l'esclave obéit. Vous pensez avoir des souvenirs? Une ferme? Une famille? Un avion? Un accident? Et puis cet endroit? Avez-vous vraiment une famille? L'avion s'est-il écrasé ou a-t-il été détourné? Il a été irrépressiblement attiré. Attiré par une chose inférieure à l'homme. Une chose conçue pour rester en sommeil, jusqu'à ce qu'une simple phrase de son maître la réveille. A-t-on envoyé un homme pour me tuer? Ou un esclave? L'homme choisit, l'esclave obéit. Entrez. Arrêtez-vous, je vous prie. Je vous prie, une injonction pleine de politesse et pourtant irrépressible. Asseyez-vous, je vous prie. Debout, je vous prie. Assis, debout, couché, stop. L'homme choisit, l'esclave obéit. Tuez! L'homme choisi! L'esclave obéit! Eh bien, obéissez! Tuez-le et suspendez-le comme les autres! Autodestruction de la cité annulée. Bonne journée. Autodestruction de la cité en cours. Veuillez patienter. Attention, monsieur! Viens avec moi. Suis-moi. Ah, un cadeau. C'est bien, non? L'assassin a déjoué mes dernières défenses, et il vient me chercher. En fin de compte, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave? L'argent? Le pouvoir? Non, l'homme choisit alors que l'esclave obéit. Vous pensez avoir des souvenirs? Une ferme? Une famille? Un avion, un accident, et puis cet endroit. Avez-vous vraiment une famille? L'avion s'est-il écrasé ou a-t-il été détourné? Il a été irrépressiblement attiré, attiré par une chose inférieure à l'homme. Une chose conçue pour rester en sommeil, jusqu'à ce qu'une simple phrase de son maître la réveille. A-t-on envoyé un homme pour me tuer? Ou un esclave? L'homme choisit, l'esclave obéit. Entrez. Arrêtez-vous, je vous prie. Je vous prie, une injonction pleine de politesse et pourtant irrépressible. Asseyez-vous, je vous prie. Debout, je vous prie. Assis, debout, couché, stop. L'homme choisit, L'esclave obéit. Tuez ! L'homme choisi. L'esclave obéit. Eh bien, obéissez! C'est ça! Essayez de vous amuser avec mes appareils. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Bon sang! Pourquoi Ryan ne s'en occupe pas lui-même? Salut Fontaine de ma part, ordure perfide! Le coupe-circuit est là-bas, ouais. Parce que Monsieur Ryan a des choses plus importantes à faire que de s'assurer de la loyauté dans nos rangs. Le coupe-circuit est là-bas, ouais. Bon sang, pourquoi Ryan ne s'en occupe pas, lui ? Parce que Monsieur Ryan a des choses plus importantes à faire que de venir renforcer la loyauté dans nos rangs. Salut Fontaine de ma part.